J'ai le sang qui boue, le cœur qui boum, j'ai le sang qui bouge, t'es sorti tout, toi et ton beau boule. Y'avait des signes et ça ne trompe pas. Rare de nos jours de trouver une femme qui ne trompe pas. T'étais si bonne que j'en ai perdu la vue. J'en ai eu des embrouilles avec les mecs de ta rue. T'as donné de l'amour à mon rap. Ça m'a fait drôle, même coincé dans mon hall, j'ai retrouvé le moral. Rentrer dans ta vie devenait une évidence. Dans tes confidences, tu m'as ouvert ton corps pour que j'y danse. T'étais si belle, t'avais tout ce que j'aime. Mais beaucoup de ce vie aussi, et c'est tout ce qui me gêne. Quand j'y repense, tes bisous n'avaient pas de sens. Et seul, tes bijoux ici me rappellent ta présence. T'es sorti doux, toi et ton sourire. Ta mine aguicheuse, allumeuse qui inspire mes soupirs. Pour toi coucher n'est qu'un langage. Touché par ta langue, tes talents, petit à petit je m'engage. Sur la longueur, tes je t'aime mis un vide. J'ai voulu croire en ta candeur, mais le charme est tombé bien vite. Pétasse. J'ai le sang qui boue, le cœur qui boum, cet amour trop tabou. T'es sorti d'où, toi et ton gros boule. Je voulais te guettera, mais j'en ai perdu la voix. Faut dire que ta légèreté n'était pas très dure à voir. Je t'affirmais qu'on était fait pour un conte de fées sans fin. Pour fonder un foyer, une famille et de faire des enfants enfin. Tu disais que tes mauvaises envies sont éteintes. Et que tu changerais de vie si jamais tu tombes enceinte. Je te parlais fidélité et mariage. Et je t'ai pas démasqué dès le démarrage. Ainsi je t'ai donné mon cœur, ma caille dans mon camp. T'as baisé sans cœur avec ce con pour un sac long champ. T'as foutu en l'air nos proches fiançailles. Tu m'as poussé jusqu'au meurtre de cette minable racaille. T'avais le power dans ta chatte, hein. Tu voulais tout avoir par intérêt, quitte à faire ta catin, hein. En baisant avec lui tu m'as baisé aussi. Tu disais que je te fascine, t'étais pas une fille facile. Tu m'as offert une si mauvaise chute. Aujourd'hui j'en ai acquis la certitude, tu n'es qu'une vraie pute. Attention à cette silhouette envoûtante. On croit voir passer un ange, mais c'est l'enfer qui vous...